J'en ai croisé des vies, j'en ai fait des saisons. J'ai traversé la nuit, j'ai filé mon blouson. Et pourtant, c'était là. J'en ai passé des lunes à questionner demain. J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien. Et pourtant, c'était là, devant moi. J'avais oublié l'humeur d'un été. Et pourtant c'est si bon de penser qu'une rafale de vent pourrait tout emporter, pourrait nous emporter. Et pourtant c'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé. Quelques parfums d'ailleurs pour mes vieux jours heureux. Tout est là, juste là, sous tes yeux. Un coucher de soleil, un peu d'herbe à fumer. Quelques amis fidèles, une poignée de projets. Ça me va comme à toi. De penser qu'une rafale de vent pourrait tout emporter, pourrait nous emporter. Et pourtant c'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé. La réalité.